Chapitre 13e. Nouvelle douleur. L'avocat accompagna son ami jusqu'au Ravenel. Entre eux, il avait été convenu qu'on ne dirait rien encore. Il fallait préparer Madeleine à la terrible nouvelle et lui annoncer avec ménagement que le mariage était reculé. Thirion était furieux. Il ne cessait de pester contre le misérable, contre l'odieux Saint-Rion. Mais Igomar, ayant gagné la partie, prudemment quitta Paris. Jacques demeura là avec son rêve de fruits, son bonheur brisé, sa vie gâchée. Et plus Madeleine, le voyant préoccupé, était douce et caressante, plus sa douleur était grande. Cependant l'hiver était venu assez brusquement. Il menaçait d'être très rigoureux cette année-là. Déjà la campagne était ensevelie sous une couverture de givre, de neige. Plus de fleurs dans nos sentiers aimés, dit tristement Jacques à Madeleine, plus de bouquets au retour de nos promenades. Les feuilles qui nous virent si souvent passer et qui nous entendirent si souvent parler de tant de choses douces, les feuilles, un peu nos confidentes, une à une, se sont mouillées, flétries et sont tombées. « Oui, Jacques, il est triste de voir tomber les feuilles des bois, » répondit Madeleine. « Il semble qu'avec elles tombent les paroles, s'éteignent les regards des amants, s'effacent les baisers. » Hélas, il devait être, cet hiver, encore plus triste pour Madeleine et pour Jacques. À quelques jours de là, maître Thirion vit entrer dans son cabinet le capitaine qui ne l'attendait pas et qui ne l'avait pas prévenu de son arrivée à Paris. L'avocat, dans une moelleuse robe de chambre, devant un bon feu, fumait sa pipe du matin, tout en parcourant le dossier d'une affaire qu'il devait plaider l'après-midi. Dehors, il neigeait abondamment. « Vous ?» s'écria l'avocat surpris. « Vous, Jacques ? Aujourd'hui ici, on voyage par un temps pareil. Vous, un homme de soleil, sortir par la neige. Vous, un pays chaud dehors quand il fait si froid. Mais vous allez geler, mon ami. » Et ayant serré les mains du capitaine, l'ayant installé près du feu, en face de lui, sérieux, inquiet, il demanda. « Voyons, Jacques, qu'est-ce qu'il y a encore ?»« Il y a, mon cher ami, que vous avez raison. Il fait trop froid pour moi ici. Je pars. Hein ? Vous partez ? Vous partez ? Allons donc, oui. En voilà une nouvelle, vous partez. » Et l'avocat anxieux ajouta. Vous partez, mais Madeleine. Le capitaine ne répondit pas, mais une crispation douloureuse de son visage rendit plus longue pour l'avocat que toutes les paroles. Oui, reprit maître Thirion, oui, je comprends, mon pauvre ami, je comprends. Vous souffrez trop, et vous préférez vous éloigner. Oui, de loin, si la souffrance d'amour n'est pas moins forte, elle est autre. Est bien différente, elle se supporte. Il vaut mieux être loin de ce qu'on n'a pas, que si près de ce qu'on peut avoir. Pauvre ami, pauvre Madeleine. Le capitaine dit alors, « Le misérable a raison. Il ne faut pas que le moindre soupçon entache la pureté de notre amour. Il ne faut pas qu'on puisse jeter à la face de Madeleine le passé. Il ne faut pas qu'on puisse accuser le capitaine d'Albé d'épouser par force une démente, d'épouser une fille-mère, parce qu'elle a de l'argent. » L'avocat voulut intervenir. « Pardon, » dit Jacques, « les apparences sont telles, et la calomnie aurait cette force de paraître la vérité. Nous lutterons contre. Nous ne pourrions lutter contre cette infâme accusation, et nous serions accablés. Ah, si Madeleine était pauvre comme moi, tout de suite et en dépit de tous, elle serait ma femme, et je pourrais démontrer qu'elle n'est pas folle et montrer que je l'épouse parce que je l'aime. Mais elle est riche, elle est millionnaire. » L'avocat répliqua. Vous ne seriez pas le capitaine d'Almet, et Madeleine ne serait pas Madeleine, que nous ferions quand même la chose. Oui, il vaut mieux que je m'éloigne. Si, pendant mon absence, on retrouve Paulette. Si on retrouve Paulette, dit l'avocat, on la retrouvera. Nous jouerons à ce misérable un bon tour, qui nous donnera la victoire définitive. Comment ? Paulette retrouvée, et cela va arriver. Paulette retrouvée sera, comme je vous le disais, émancipée. Et Paulette n'acceptera pas l'héritage de sa marraine. Paulette le refusera. Et les millions de cette bonne Madame Berton iront à l'assistance publique, aux diverses attributions qui leur sont déjà assignées dans le testament. Ceci sera patent, contrôlable, porté à la connaissance du public. L'amour paternel du comte s'affaiblira aussitôt. Paulette étant sans fortune, à quoi bon être son père? Quant à Madeleine, nous ferons établir un nouveau procès-verbal. Cette pièce en main, on lui reconnaîtra le droit de choisir et d'épouser l'homme qu'elle aime. Se levant, l'avocat s'écria. D'ailleurs, d'ici là, il se produira forcément quelque chose. Il est impossible que nous ne parvenions pas à confondre ces misérables. Comme mon cousin, le président Durand, dont j'espère, j'ai confiance. J'attends la manifestation de la justice immanente. » Il brandissait les bras, levait les poings furieusement. « Croyez-vous d'ailleurs, mon cher Jacques, que je vais rester sur cet échec ? Ce prétendu comte est un homme très fort, très fort. Il a admirablement préparé sa défense. Il a démoli mes batteries. Mais s'il a pour lui cette audace, apanage de la canaille, et s'il a pu se retrancher derrière la loi, nous avons, nous, le bon droit et la justice. Notre heure doit sonner. Nous aurons notre tour, notre triomphe. Moi, je ne désarme pas. Je suis, voyez-vous, comme un enragé après cet homme. » Ensuite, il demanda au capitaine. « Où allez-vous cette fois? Encore en Asie ?»« Non. Le ministre de la guerre me charge d'une mission d'inspection en Afrique. C'est une tâche assez ingrate, assez pénible. Mais c'est un galon de plus et probablement un poste au ministère de la guerre. Alors vous resteriez à Paris? Probablement, je l'espère. Bravo. Alors partez, mon cher, sans appréhension. D'ici peu, vous apprendrez que tout est modifié dans notre petit monde et vous n'aurez plus à repartir. » Au Ravenel, on attendait avec la plus grande impatience le retour de Jacques. C'était encore un gendarme qui, comme la dernière fois, avait apporté la lettre du ministre au capitaine. Jacques, questionné vivement, reçu de cette lettre, avait répondu « Je ne sais ce que peut me vouloir le ministre. Peut-être quelques renseignements au sujet des postes que j'ai commandés là-bas. Un rapport quelconque, une affaire de service, je ne sais pas. » Mais les vieux avaient hoché la tête. « Il va t'envoyer encore dans ces satanées colonies, mon gars, tu vas nous quitter. » Quand Jacques revint le soir au Ravenel, il ne se sentit pas le courage de parler tout de suite de sa visite. C'était lui qui, après l'entrevue chez l'avoué du comte de Servion, ayant vu tout le côté scabreux de sa situation désormais auprès de Madeleine, avait sollicité une mission au ministère. On s'était empressé de satisfaire à sa demande, mais le lendemain il serait encore temps d'annoncer son départ. Au moins, à la maison, on passerait tranquillement cette nuit. Ce serait toujours ça de gagner pour les vieux. Dès qu'il entra dans la grande salle où la famille se trouvait réunie devant la haute cheminée où flambait un bon feu, le père demanda. « Quoi qu'il voulait donc, le ministre, c'est bien ce que je vous ai dit, affaire de service. Alors il ne t'envoie plus dans ton Asie du diable ?»« En Asie, non, mon père. »« Bien sûr, mon gars. »« Oui, mon père, l'Asie finie, finie. » Et pour couper court, il s'écria. « Dis non, je meurs de faim. » Malgré ces déclarations, Jacques avait le cœur trop serré pour manger. Personne d'ailleurs ne se sentait en appétit. Tout le monde avait conscience du mensonge du capitaine. Les yeux de Madeleine ne le quittaient pas. Dire en effet qu'il n'allait pas en Asie était une réponse de Normand. Il n'allait pas en Asie, mais cela ne voulait pas dire qu'il n'allait pas ailleurs. Le vieux père d'Almay avait saisi l'ambiguïté de la réponse de son fils, mais il n'osa le questionner davantage, croyant que la mère se contentait de cette réponse. Mais la vieille maman secoua sa cornette. Il lui tardait de monter dans sa chambre pour dire, comme autrefois, la prière des mères pour leurs gars qui vont au loin. Au matin, Jacques alla dire adieu au sentier du jardin et des bois. Il voulait les revoir une dernière fois. Il trouva à un tournant Madeleine qui l'attendait depuis longtemps appuyée à un gros arbre. « Jacques, lui dit-elle vivement, pourquoi avez-vous menti hier soir ? Mais Madeleine, vous partez, je le sais. Tout le monde en est convaincu. » Nous n'avons pas été dupes de votre mensonge. Vous partez. » Cette fois, Jacques ne se défendit point. À quoi bon d'ailleurs ? C'est vrai, déclara-t-il. Cependant, vous deviez rester parmi nous. Toujours, toujours. Je croyais qu'il en serait ainsi. Vous voyez que l'on a tort d'engager l'avenir. On ne sait pas ce qu'il réserve. Madeleine lui prit les mains nerveusement. Non, Jacques. Vous seriez resté si vous l'aviez voulu. Vous auriez pu rester toujours. « Le ministre m'a confié une mission. Je n'ai pas pu la refuser. Vous l'avez acceptée avec joie, comme un devoir. Non, Jacques, cette mission, vous l'avez sollicitée. C'est vous qui avez voulu partir. Pourquoi ? Madeleine, je vous assure, Jacques, ne me mentez pas à moi. Pourquoi avez-vous voulu partir ? Je suis assez forte maintenant pour supporter un nouveau malheur. Il doit y en avoir un. » Ma chère Madeleine, oh, je le sens. Rappelez-vous les paroles du braconnier. Le soir de votre retour, elles sont gravées dans ma mémoire et je crois fermement à cet oracle. « Vous, madame, m'a dit le père Gervais, vous connaissez les chemins des bois, où sont les plus belles fleurs. Rappelez-vous que souvent, les cueillant pour faire au bouquet, vous vous êtes piqué les doigts, déchiré les mains. mais les bouquets n'en étaient que plus jolis après. Rappelez-vous que dans les sentiers de la vie, les fleurs sont rares, que pour les cueillir, il faut se blesser les doigts. Allez, madame, cueillez. Quand bien même vous auriez quelques blessures encore aux mains, quelques souffrances, le bouquet de votre vie n'en sera que plus beau. Madeleine ajouta, « Voilà les propres paroles du braconnier, l'oracle. Eh bien, Jacques, me voici dans le sentier où j'ai cueilli tant de fleurs. Je puis donc y éprouver des égratignures et m'y blesser le cœur, puisque le bouquet de ma vie sera très beau plus tard. Jacques, parlez, dites-moi pourquoi vous partez. » Madeleine, chère aimée, je fais appel à tout votre courage, à tout votre amour. Écoutez. » Le capitaine crut ne pas devoir laisser la jeune femme dans cette incertitude, dans cette angoisse. Il fallait lui dire la vérité. Alors, il lui révéla l'entrevue chez l'avoué et les paroles du comte, et les suppositions, et les calomnies. « Oh, l'infâme !» s'écria Madeleine. « Oh, le lâche ! Oh, le misérable ! Oui, mais il a dit vrai. Et la fatalité est plus forte que notre volonté. Nous ne pouvons rien contre elle. Nous serions déshonorés tous deux, blâmés, nous serions très malheureux. Mais, s'écria Madeleine, je dispose de moi-même, cet homme n'a aucun droit sur moi, le passé est mort, il est brûlé, il n'en reste rien, je peux me donner à toi de plein cœur, en toute liberté, en toute joie. Oui, Madeleine, mais moi je ne dois pas te prendre, je ne le dois pas. Comprends-tu maintenant pourquoi je pars ? Après un court silence plein d'angoisse, lentement, Madeleine reprit très calme, où vas-tu ? En Afrique. Pour longtemps, je ne sais pas, 2-3 ans. C'est bien, Jacques, il faut partir. Le capitaine, surpris par ce calme soudain, la regarda avec étonnement. Et quoi? Tu ne pleures pas? Madeleine, sur le même ton, répondit. On ne pleure pas, Jacques, quand on accomplit son devoir, si grand et si pénible qu'il soit. C'est le front haut, les yeux clairs, qu'on marche au sacrifice. Jacques l'admirait dans cet acte d'énergie qui lui révélait une nouvelle et plus belle Madeleine. « Quand pars-tu » demanda-t-elle. « Demain. » Alors soudain, Madeleine poussa un cri douloureux. « Demain. Oh, déjà, demain !» Surprise elle-même de l'accent de ses paroles, elle s'arrêta, frémissante, confuse, anxieuse. Elle regarda Jacques. Et tout à coup, se jetant dans ses bras en sanglotant, « Jacques, mon aimé, Jacques, j'ai voulu me faire plus forte que je ne suis, pour te donner du courage à toi-même. Je ne peux plus résister, je ne peux plus !» Je suis femme, et j'aime, tu comprends? Oui, ma pauvre Madeleine, je comprends. Oh, tu es sûre de mon amour, n'est-ce pas? Mais tu ne sais pas quelle lutte j'entreprends avec moi-même depuis ton retour. Tu ne sais pas quelle bataille je me livre à moi-même, quelle révolte se soulève dans mon être contre ma volonté. Mais tu as raison, Jacques, il ne faut pas céder, non, il ne faut pas se trahir soi-même. Je suis à toi, tu le sais, tout à toi, bien à toi. Et là, tu me tiens dans tes bras, palpitante, affolée, sans force, sans pensée de résistance. Je suis la femme qui aime et qui est sur le cœur de l'aimer. Je suis à toi. Mais protège-moi contre moi-même. Garde-moi chaste, comme je me garderai fidèle. Il faut que ta femme, purifiée par le malheur, soit ta femme pure et loyale, toute d'honneur aux yeux de tous, en face de notre conscience, à nous. Je t'adore, Jacques. Je t'adore comme un dieu. Mais il vaut mieux, oui, il vaut mieux, pour nous deux, que tu partes encore. C'est pour cela, Madeleine, que je m'en vais. Oh, va, cher ami, va. Tu n'iras jamais si que tu ne puisses revenir. Bientôt, et tout de suite, au premier appel de ta Madeleine, tu ne seras jamais si loin pour que ta Madeleine ne puisse, s'il le faut, aller te retrouver, pour être plus vite auprès de toi. Ma chère Madeleine, adieu. Caressante, doucement, avec cette tendresse des chères amantes, elle dit, en souriant maintenant, prends, Jacques, prends sur mes lèvres un peu de mon âme. Madeleine fut très forte, très calme, très maîtresse d'elle-même jusqu'au départ du capitaine. Tout le monde admira, quoique avec surprise, son courage, son sang-froid. Les vieux parents, le frère aîné, accompagnèrent le capitaine jusqu'à la gare de Mantes, mais Madeleine voulut aller jusqu'à Paris. Elle voulut mettre Jacques dans le train qui l'emporterait vers Bordeaux, où il devait s'embarquer pour le Sénégal. Avec elle, sur le quai de départ, se trouvait naturellement le fidèle et dévoué avocat. Quand le train eut disparu dans le panache de fumée, l'avocat ramena la jeune femme. Madeleine, une fois dans le bureau de maître Thirion, se jeta dans un fauteuil. « Ah ! S'écria-t-elle, ici du moins je peux pleurer sans crainte !»